Non, non, toi, t'as des choses à faire, j'ai fait ma part. Tu veux dire cette monstruosité que j'ai passée les deux dernières heures à nettoyer, c'est ça ta contribution? Dites-moi sur qui compte. Rester debout c'est dur mais on le fait. Si tu pensais que j'allais perdre mes couilles, c'est que tu t'es trompé. Sale enfoiré, tu le sais, j'ai peu d'attache en soi. À en croire mon phrase est vulgaire, je n'ai que de la rage en moi. La nuit se remplit des pages en noir, j'ai déjà dû parler de ça. Dis-toi bien que c'est normal si tu m'as vu dégrader le bail. Râler, je batte les yeux encore sur la lune abétable. Le temps passe et les pages s'envolent, une par une, ça me fait mal. Ce putain dérivé m'amène aux flammes. C'est la merde, je commence à me demander si j'ai affaire au diable. Perdu comme ce père qui déblatère au bar, un peu trop jeune. J'ai vu l'ancien déchirer la tête au sky. J'ai la dalle et j'attends le festin. Faut que je fasse vite, le temps passe et le 4 en 16. De toute façon, l'avenir est grave incertain. Donc en attendant, on se rassure en parlant de destin. On veut toucher le sommet, le toit du monde. Un sommet par la voix du fou. N'importe qui pourrait prendre la place du monde. J'aurais préféré ne rien voir du tout. On veut toucher le sommet, le toit du monde. La la la la la. On veut toucher le sommet, le toit du monde. La la la la la. Quelle que soit votre idée, ou ce à quoi vous vous attendez, je vous le dis, c'est exactement le contraire de l'inverse de votre idée qui va se passer. Vous pigez? Jesse. La la la la la. Oh. Quitte à finir à mocher, on récidivera. Mais quoi qu'il arrive, je ne tends pas l'oreille quand le pessimiste parle. Je vais pas te raconter mille histoires, je n'ai que des récits grisâtres. Je suis un putain de chat noir comme Jesse Pinkman. Pourtant je rêvais d'une vie sans problème à l'écart du doute. Je me demande si j'aurais préféré ne rien voir du tout. Y'aura bien une personne malhonnête qui voudra que tu coules. Depuis le temps j'ai appris à reconnaître le regard du fou. On m'a jeté mille sorts sous une averse de bâtard. Sachez-le, je vous nique fort, je vais pas faire le canard. Je vais pas t'en dire trop, on me disait reste là-bas. Ça vient tout droit de la ville morte, je suis pas un mec de Paname. Arrête de me casser la tête, je t'avoue que là tu me gonfles. Si tu vois que je peux la calmer la bête, ne compte pas sur le compte. À force de ravaler ma peine, j'ai pris la place du monstre. Je ne suis bon qu'à cracher ma haine à la face du monde. On veut toucher le sommet, le toit du monde. Un sommet par la voix du fou. N'importe qui pourrait prendre la place du monstre. J'aurais préféré ne rien voir du tout. On veut toucher le sommet, le toit du monde. La la la la la. On veut toucher le sommet, le toit du monde.